Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. C'était la traversée internationale du lac Mégantic en fin de semaine. Et évidemment, notre collaborateur Marc-André Leclerc était là-bas également. Marc-André Leclerc qui est très quitté, comme vous entendez, durant la traversée du lac Saint-Jean à plein air. Salut Marc-André! Oui, bonjour Danny. Marc-André, évidemment, on fait beaucoup de liens avec Robert Val, parce que évidemment, la radio ici au lac Saint-Jean. Est-ce que c'est aussi populaire que la traversée internationale du lac Saint-Jean? Ben, c'est certain, Danny, que c'est comparer les deux événements, c'est un peu difficile parce que t'sais, au lac Saint-Jean, la traversée a 62 ans, tandis qu'à Mégantic, ça fait depuis 2007. Qu'une compétition d'une étape de la Coupe du Monde de 10 km. Donc, c'est certain que les gens n'ont pas le même attachement envers leur événement. Il n'y a pas le même nombre d'histoires derrière les deux événements. Mais tranquillement, l'organisation au Lac Mégantic fait un excellent travail et l'événement grossit d'année en année et attire également les meilleurs nageurs comme c'est le cas à Robert Val. Fait qu'en termes de compétition, c'est des événements, quand on regarde le 10 km final à Robert Val le jeudi et la traversée qui est à lac Mégantic de 10 km, en termes de calibre, en termes d'événements, c'est deux événements de grande qualité. C'est sûr que après ça, tout le volet culturel et tout l'attachement et l'histoire derrière ça, le sentiment d'appartenance, c'est sûr qu'il n'est pas le même. Okay. Tranquillement, au fil des années, ben, c'est certain que les gens à lac Mégantic vont se sentir de plus en plus attachés à leur événement. Hey, est-ce qu'on s'est remis, parce que je me rappelle, parce que quand c'est la traversée du lac Mégantic, on fait toujours des entrevues aussi, je me rappelle il y a 2-3 ans quand le drame terrible qui avait secoué le lac Mégantic avait fait 47 morts, ils avaient perdu toutes leurs archives, tous leurs documents pour rebâtir. Est-ce qu'on s'est remis tranquillement de ça? Oui, on s'est remis. L'organisation des nouveaux locaux est allée rechercher des anciens documents. Fait que c'est certain que ça fait maintenant 3 ans. Ouais. C'est certain qu'au début, c'était un choc. Il y a tellement toute la tragédie, les victimes, tout ça par rapport à ça. Mais également pour la traversée, de faire l'édition 2013 dans ces conditions-là était exceptionnel. Et ça, chaque fois, l'organisation de l'avoir fait. Mais là, tranquillement, ben là, on voit là, tout s'est replacé, l'organisation a pu pallier au manque là, à l'époque suite à l'explosion. OK. Et c'est l'Allemand. Évidemment, on va parler de noms qu'on connaît très bien puisqu'on les voit tous à Robert Val. C'est André Warburg, l'Allemand. André Warburger qui a remporté la victoire. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'Allemand très, très, très serré là, au fil d'arrivée. Donc, l'Allemand, Washburger, Chip Peterson ont vraiment là, contourné là, la dernière bouée, environ 200 mètres de la fin, ensemble. Ils sont arrivés jusqu'à la fin. C'est vraiment joué là, à la plaque d'arrivée. Là. Donc, en 2h02, donc vraiment là, une fin extraordinaire. Et à chaque année, là, au lac Mégantic, ils ont des fins là, vraiment incroyables. Et en troisième position, c'est un jeune nageur des Pays-Bas, Pepijn Schmidt, qui est terminé troisième. Si on regarde, Annie, du côté de nos Canadiens, Philippe Gertin, quatrième, très proche de la troisième position. Sinon, également Nicolas Massavard, cinquième. Dans les autres noms qu'on connaît bien à Robert Val, Evgeny Popassev, septième. Également, du côté de la huitième position, il y a Xavier Desharnais. Donc, on sait que Xavier n'a pas une saison facile. Xavier connaît rarement de bons résultats avec Mégantic. Je pense que c'est même son meilleur résultat au proche. Donc, pour lui, là, c'était autant au lac Saint-Jean, autant avec Mégantic, on voyait qu'il n'était pas vraiment dans son assiette. Il a changé d'entraîneur, tout ça. Donc, j'espère qu'au courant de la prochaine année, tout ça va se stabiliser parce que Xavier est un excellent athlète, un excellent nageur, puis je pense qu'il peut revenir en force. Également, dans les autres nageurs qu'on connaît bien au lac Saint-Jean, Tommy Stefanovski, ouais, pour lui, une dernière compétition. C'est une journée un peu plus difficile, une 12e position. Pour Stefanovski, c'est une dernière compétition en eau canadienne. On sait qu'il prend sa retraite. Tommy a remporté le lac Saint-Jean 2 reprises. On se rappelle en 2013, mais également on se rappelle surtout en 2014, lorsqu'il avait fini ex aequo en première position avec Xavier Desharnais. Donc, pour notre vétéran là, de 42-43 ans, là, c'est la fin pour lui. Il nous avait dit au Lac-Saint-Jean qu'il allait revenir nous voir, peut-être en tant qu'entraîneur ou en tant que spectateur. Mais c'est quand même un grand danger. Puis je pense qu'il faut souligner là, comme ça qu'il a mis fin là, à sa carrière ici au Canada. Celui qui a remporté la victoire à traverser ici, comment c'est qu'il a fait? Ben, en fait, celui-là qui a remporté au Lac-Saint-Jean sur 32 km, Alex Meyer, n'était pas au Lac-Saint-Jean. Ah, OK, OK. Donc, Meyer a décidé vraiment que lui, Robert Val, était vraiment... Le 32 km à Robert Val était vraiment sa dernière compétition. Fait qu'il a pris sa retraite, là, à la fin juillet. OK. À Robert Val, donc, il avait pris la décision de ne pas venir au Lac-Mégantic. C'est des 10 km à Lac-Mégantic, hein? Oui, tout à fait. Donc, Lac-Mégantic, ça s'inscrit dans la Coupe du Monde, là, finale, ça, des 10 km, qui est le même circuit que le 10 km de Saint-Thomas, qui est présenté... Non, en fait, non, le même 10 km qui est présenté à Robert Val. OK, OK. Tandis que le circuit, c'est un autre circuit, Québec, pour le Québec, qui est présenté également, une étape est présentée, là, au Lac à Jim, là, à Saint-Thomas-du-Dieu. Donc, on peut pas parler de conditions difficiles comme au Lac Saint-Jean, parce que c'est des 10 km, là. C'est pas pareil, là. On peut pas comparer ça. Ben, en fait, il faut pas comparer le 10 km. En fait, il y a différentes choses, puis je pense que ta question est intéressante. C'est qu'en fait, le 10 km à Robert-Val, c'est un 10 km qui est dans un circuit fermé. Tandis que le 10 km au Lac-Mégantic ressemble plus au 32 km. C'est-à-dire, on part d'un point A, okay, qui est Péribonka à Robert-Val ou Piopolis à Lac-Mégantic, et on finit un point B qui est Robert-Val dans le cas de la traversée au Lac-Saint-Jean et qui est Lac-Mégantic dans le cas de la traversée au Lac-Mégantic. Donc, c'est dans l'étape, ce qui est spécial, c'est que Lac-Mégantic, c'est la seule étape de la Coupe du Monde des 10 km où on nage dans un circuit ouvert au lieu de nager, comme c'est le cas à Robert-Val le jeudi après-midi pour le 10 km final, dans un circuit fermé où on fait une boucle dans la rade de Robert-Val, par exemple. Donc, oui, il peut y avoir des conditions difficiles aux 10 km à Lac-Mégantic parce qu'on est vraiment dans une course d'eau libre, là, vraiment, où on part d'un point A et on finit à un point B. Sans faire une boucle, là, comme c'est le cas dans les autres étapes de la Coupe du Monde. OK. Ben Marc-André, très intéressant encore une fois. Merci encore pour ta collaboration encore cette année à la traversée autant du lac Saint-Jean qu'à celle de Mégantic. Pour le plaisir de se reparler l'an prochain, puis bonne chance à ta job. Merci à toi, on se reparle l'an prochain. Marc-André Leclerc, analyse sa planète lors de la traversée.